je m'en rappelle bien, deux sentinelles, deux allemands. Ah, ça c'est rigolo parce que. On passe dans le car. En fait, tu vois, j'ai des ruches là. Sous la banquette à l'air. J'ai des ruches. Arrière, qu'est-ce que je vois? Il y avait un revolver dans l'étui, tout là, par là. Alors, je dis à ce femme, qu'est-ce là, qu'on fait? Là, dans ce champ. Tu l'as pris? Ah, ce grand champ. Bah, mes ruches, elles sont là. Oh, puis j'ai dit, lui, il ne m'a pas répondu. Il est décédé, le pauvre. Moi, je me mets dans le sac. Un bosquet. En passant, j'ai fait à l'économie deux, trois courses. Il se voyait si j'avais bien regardé. J'arrive là-bas, les Allemands me font pour ouvrir le sac. J'habitais là, à la maison qu'on voit, où il y a les pierres. Alors j'en ai là. Les Allemands, ils font avec la tête comme j'en ça d'ouvrir. Là. Je me rappelle toujours, j'ai fait comme ça, je l'ai enfermé tout de suite, passé. Et là-haut. Ah, mais vous êtes. Une soeur. Ah, et puis là, un souvenir. Ouais. Un an maintenant. Et quand je me suis fait tirer dessus. Ah bon. Et ça, ça s'appelle la cordio. Ah bon. Pour la aller croix voir, des rameaux, en fait. Dans la roulotte des Allemands, ça sentait bon. Ah. La cordio, c'est un mur. C'est qu'il y avait un mur, maintenant ils ont mis un grillage. Oui. Et il y avait une sentinelle avec une fusil, et c'est moi qui montrais derrière. Mon frère, il me pousse, on va voir ce qu'il y avait. Il y avait un couvert qui n'était pas d'aplomb. Je mets le pied dessus, je fais du bruit. Bon. J'ai entendu baragouiner, c'était tombé de nuit. Hein. Ah, c'est marrant de voir les bam, distances. Deux fois. Ouais. J'ai ressauté le mur, j'ai pas dû le toucher. Ah, c'est ça, ça m'est resté par contre. C'est dommage qu'on ne retrouve pas ce chemin. Oh, mais ton père le savait, ça. Avec le PD, ça avait passé là. Il nous avait vu au milieu de l'année. Et le jeu des cartes, faudrait que tu nous. Ce serait bien que tu le fasses, que tu nous le fasses, parce que moi je connais pas toutes les règles en fait. J'ai un peu oublié. Là on a un petit jeu de photos qu'on a utilisé, soit des images qu'on a trouvées dans le coin. En fait, on voulait faire. On propose des catégories de paysages. Le paysage de l'eau, le paysage nourricier, le paysage d'Angers, le paysage singulier, le paysage passé. Et en fait, à partir de chaque image, on voulait voir votre avis d'où est-ce qu'on peut la classer et pourquoi on peut la classer dans cette famille-là. Et s'il n'y a aucune famille qui correspond, on peut aussi inventer d'autres familles. Qu'est-ce que ça vous dit d'y jouer? Il y a combien de photos? Ouais, on n'est pas obligé de tout faire. Il y en a une trentaine. On peut choisir, vous pouvez choisir celle que vous voulez ouais. aussi. On peut se mettre ouais, peut-être bien. Vous installer à table. Ouais. Allez Marie, travaille. Ouais, vous pouvez peut-être jouer, enfin je sais pas, toutes les deux ensemble ou toutes les deux différemment. Vous n'avez pas forcément les mêmes avis sur ce qu'on voit sur les photos. Hein. On peut aussi voilà, les mettre après. On peut... Et alors l'idée c'est pour nous pour qu'on puisse garder mémoire des raisons de pourquoi on a classé cette image dans telle famille. Derrière vous choisissez la gommette, vous mettez une gommette de la ah ouais, ça d'accord. va avec des petits mots de pourquoi. D'accord. On écrit directement sur le alors, du passé ou d'accord. de l'eau? L'eau ou le passé? Paysage d'Angers, paysage singulier. Et on a aussi des étiquettes vierges. Hein. Singulier. Singulier rose. Singulier celui-là. Il est allez. unique. À sauver, elle doit tout prix. Attends, je mets le pastille et tu peux écrire. Comme ça, il y a des stylos pour écrire. Tirap, tarap. Unique comment? Singulier, bien sûr. Unique comment?